Alphonse Kougimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro à ce journal. Donc, voici d'abord le sommaire. Léon Senghenda Koumana, ancien président de l'Assemblée nationale, trouve que les députés élus à 100% lors de récentes législatives ne vont pas servir la population burundaise, mais ceux qui les ont mandatés. Il le dit après que la Commission électorale nationale indépendante ait rendu public les résultats provisoires des législatives, disant que le CNDD-FDD a raflé les législatives à 100%. Certaines des femmes burundaises ne connaissent pas le cancer du col de l'utérus, alors qu'il est parmi les premières causes de mortalité chez la femme dans le monde. Ce sont des propos de certains facilitateurs lors de l'atelier d'échange avec les journalistes sur la prévention de ce fléau organisé par le Programme national de la santé de reproduction PNSR ce vendredi. Et la police a saisi 200 buts ont rempli de carburant ce vendredi à Kagwima, en commune Gihanga de la province Bubanza. C'était lors d'une fouille perquisition opérée par la police dans cette localité. Bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal et par la page politique. Les députés issus de récentes élections ne seront pas là pour voter les lois qui protègent les citoyens burundais, mais plutôt ceux qui les ont mandatés. Ce sont là les dires de Léon Senghenda Koumana, ancien président de l'Assemblée nationale, après que la CENI ait publié que les députés du parti CNDD-FDD ont été élus à 100% au niveau national. Léon Senghenda Koumana s'insurge contre le fait que lors de récentes élections législatives, seuls les candidats du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, soient votés à 100%, tout en expliquant que la prochaine chambre basse du Parlement sera un organe de plus du parti au pouvoir. Léon Senghenda Koumana. C'est un organe de plus. Ça sera un organe de plus du parti CNDD. C'est un organe de comment ces députés ont été désignés. Je ne parle pas d'élection, moi. Ont été désignés. C'est une désignation. Ce sont des députés qui ont été désignés par le parti CNDD-FDD en violation de toutes les procédures électorales. Je n'y reviens pas, je l'ai déjà dit. Il y a eu trop d'irrégularités dénoncées par presque la totalité des Burundais, dénoncées par la communauté internationale. Je suis de près. Le Parlement, c'est-à-dire les deux chambres réunies, étant là comme l'œil, l'oreille du citoyen, c'est au moment où c'est le citoyen qui les a mandatés. Maintenant, ils n'ont pas été mandatés par le citoyen. Ils n'ont même pas été mandatés par le parti CNDD-FDD. Ça aussi, c'est un abus de langage. Ils ont été mandatés par une poignée de gens au pouvoir ou qui dirigent le parti à les représenter au sein de l'institution. Ils ne seront pas là pour voter des lois qui protègent les citoyens, ils seront là pour voter les lois qui protègent ceux qui les ont mandatés, cette poignée de gens, d'individus. Ils ne seront pas là pour contrôler l'action gouvernementale. Tu ne peux pas contrôler celui qui t'a mis là. Mais si tu le contrôles, ils te chassent. Ils ne le feront pas. Donc, le grand perdant dans tout cela, c'est le peuple burundais. Le grand perdant, c'est le pays. Le grand perdant, c'est le citoyen burundais. C'était là Léon Senghenda Koumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a animé une conférence de presse à Gitega ce samedi sur le récent scrutin. Il a dit que le fait que le parti majoritaire a raflé tous les sièges ne constitue pas un problème du moment que même ceux qui n'ont pas élu sont des Burundais dans le pays a besoin dont le pays a besoin pour son développement. Ceux qui disent que ce scrutin a été caractérisé par plusieurs irrégularités, ils les invitent à les présenter à qui de droit pour les enquêtes avant de faire recours aux médias et aux cours et tribunaux. Une information que nous devons à notre confrère Gérard Nibigira. Répondant aux questions des journalistes, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a indiqué que le fait que le parti CNDD-FDD a raflé tous les sièges lors du récent scrutin n'est pas un problème, du moment que même ceux qui n'ont pas été élus sont des Burundais dont le pays a tellement besoin dans l'un ou l'autre domaine technique et pour le renforcement du développement durable. Il a ajouté que d'ailleurs, pour la nomination aux différents postes techniques, le seul critère qui sera mis en considération est la compétence et non les appartenances ethniques, politiques, régionales ou religieuses. S'exprimant sur la question de savoir si oui ou non, la communauté internationale pourrait avoir des doutes sur les résultats du récent scrutin et ainsi perdre la crédibilité du Burundi qui était en train d'être redoré. Il a dit que pas mal de grandes personnalités du monde l'ont déjà félicité du fait que le scrutin en question s'est déroulé dans un climat de calme, de paix et de sécurité. S'agissant des irrégularités qui auraient caractérisé ce scrutin, souvent soulevé par les uns et les autres, il a invité toute personne qui a l'une ou l'autre irrégularité constatée de la présenter de façon détaillée et précise aux organes habilités, dont le chef de l'État lui-même, avant de faire recours aux tribunaux et aux médias. Et si ces enquêtes prouveraient ces irrégularités, les décisions qui s'imposent seront prises et les responsables seront punis conformément à la loi. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isangani. Je vous le dis en titre, 200 bidons remplis de carburant ont été saisis ce vendredi à Kagwema, en commune Gianga de la province Bobanza. C'était lors d'une fouille perquisition opérée par la police dans cette localité. Ce carburant est stocké dans les bureaux du commissariat communal de police de Gianga, où environ 1000 litres de carburant saisis de cette façon ont été dernièrement vendus. Les détails avec Space Caritas Cabagnette. Les policiers étaient nombreux dans la matinée de ce vendredi autour des maisons d'habitation des populations de la colline Kagwema en commune Gihanga. Et quand les habitants de cette colline ont ouvert les maisons, la fouille a commencé et visiblement certaines maisons étaient ciblées selon les témoins sur place à Kagwema. Kagwema est une colline voisine de Nyamitanga de la province de Cibitoke qui est une voie d'entrée du carburant fraudé en République démocratique du Congo. Après la fouille et perquisition, 200 bidons de 20 litres chacun remplis de carburant ont été saisis et 100 bidons vides selon le chef de colline Kagwema. Tous ces bidons ont été par après transportés au commissariat communal de police de Gihanga selon les sources policières. Et dans le même commissariat, environ 1000 litres de carburant saisis de cette façon ont été dernièrement vendus. Les acheteurs payés sur le compte de Robert et apporté au commissariat un bordereau de versement pour recevoir le carburant acheté selon la même source. Space Caritas Kabanyana à Gihanga pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page santé à présent, certaines femmes de la zone Cibitoke, en province Cibitoke, affirmaient qu'il subsiste encore dans leur localité des couples qui ne partageaient pas le même avis concernant les contraceptifs. Elles témoignent que souvent, cette situation crée de la mésentente qui peut engendrer de la violence. Elles appellent ces couples à changer de comportement car selon elles, cela ne devrait pas être objet de discorde. Un appel également lancé par une infirmière chargée de la prise en charge de ces familles au CDS Cibitoke. Ngamini Nzeimana rassure que ces contraceptifs, une fois adoptés, ils apportent des avantages à ces familles et notamment la protection de la santé mère-enfant. Le point avec Sheila Irambona. Ces femmes sont de la zone Cibitoke, province Cibitoke, témoignent que dans leur localité, il y a encore des couples qui ne s'entendent pas à propos des méthodes contraceptives et que des fois, les hommes se montrent réticents par rapport à ces méthodes, d'où des fois, il en résulte de la violence et d'affirmer que certaines d'entre elles se rendent à l'hôpital à l'insu de leur mari. Ils la maltraitent et des fois en vient au mai et des querelles en résultent. Mais comme la femme voit les conséquences, elle se rend chez le médecin à l'insu de son mari. Même s'il s'observe beaucoup beaucoup d'hommes qui se montrent réticents par rapport à ces méthodes. Il y a des femmes aussi qui se réservent, ce qui crée un climat de tension entre les conjoints. Ces femmes regrettent cette situation car, selon elles, ces cas ne devraient pas générer de la violence et d'appeler ces couples à changer de mentalité. Cela ne devrait pas causer de problème car notre terre cultivable devient de plus en plus exiguë. Un appel également lancé par l'infirmière chargée de la prise en charge de ces familles au centre de santé Chibitoke. Que ces couples adoptent ces méthodes contraceptives, car je pense qu'ils ont déjà remarqué que les autres couples les utilisent et qu'ils présentent beaucoup d'avantages, car la maman a le temps de se reposer et elle a une bonne santé, car avoir beaucoup de couches successives fait des répercussions sur la santé de la maman et la famille en pâtit. Celle-ci tombe souvent malade, de même que les enfants. Même si se présentent encore des couples qui se montrent réticents par rapport à ces méthodes contraceptives, cette responsable du centre de santé Chibitoke affirme qu'elle reçoit en moyenne 10 à 15 personnes par jour venues réclamer les méthodes contraceptives. Sheila Irambona, certaines des femmes burundaises ne connaissaient pas le cancer du col de l'utérus, alors qu'il est parmi les premières causes de mortalité chez la femme dans le monde. Ce sont des propos de certains facilitateurs lors de l'atelier d'échange avec les journalistes sur la prévention de ce fléau organisé par le Programme national de la santé de reproduction PNCR ce vendredi. Docteur Anani Ndachaisaba, directeur de ce programme, ayant indiqué que le gouvernement compte instaurer un programme de prévention de cette maladie au niveau national. Les détails avec Estella Daichimi. Le cancer du col fait partie des 6 cancers génétiques. Comme le précise Dr Sylvestre Bazikamwe, beaucoup de femmes burundaises souffrent de cette pathologie en silence, car ce n'est pas dans leur habitude d'aller se faire dépister. Le cancer du col fait partie des 6 cancers gynécologiques de la femme. C'est un cancer dont la cause, c'est un virus qu'on appelle HPV, Human Papillomavirus. Et ce cancer peut être prévenu si les gens se font vacciner d'abord, à partir de 9 ans jusqu'à 14 ans ou même plus, que ce soit les filles et les garçons. Ça peut être prévenu aussi par ce qu'on appelle une prévention secondaire, la détection des lésions avant que le cancer ne soit installé. Il recommande aux femmes et filles d'aller se faire dépister à partir de 25 ans à 65 ans. Ce dépistage et cette détection, il est recommandé de la faire à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 65 ans pour une population normale, mais on peut faire cette détection bien avant 25 ans si c'est une population à risque, notamment les filles qui sont nées avec le virus du VIH, les filles qui ont une diminution des défenses immunitaires. Le cancer peut être cherché ou les lésions précancéreuses. Quant au programme national de la santé de la reproduction, il prévoit instaurer un programme qui va faciliter l'accès à la prévention dans différents hôpitaux au niveau national. Dr Anani Ndachaisaba, directeur du PNCR. Notre objectif au ministère de la Santé est la lutte contre le VIH-Sida. Nous ne voulons pas qu'un individu atteigne le stade des signes de cette pathologie. Le programme de vaccination se fera l'année prochaine au niveau national. Vous serez informés. Comme l'a mentionné Dr Anani, sur 102 034 femmes dépistées dans les provinces Bururi, Lumonge et Mwaro, plus de 3 000 ont été diagnostiqués ayant des lésions précancéreuses, soit 3,1%. C'était la Ndayishimiye. C'est un offre de soulagement pour la population qui consultait les hôpitaux de Rutovu et Vianda dans la province Bururi qui ont dernièrement reçu de nouveaux véhicules ambulances. Celles de l'hôpital de Rutovu ne fonctionnaient presque plus depuis plus d'une année suite à sa vétusté au moment où l'hôpital communal de Vianda On est doté pour la première fois le directeur du bureau provincial de la santé à Bururi appelle toute la population de ces communes à contribuer une somme de 2000 francs burundais par ménage et par an pour appuyer le système de référence et contre-référence des malades, n'est-ce pas Zeno Zabiman? Deux hôpitaux de la province de Bururi, à savoir l'hôpital du district sanitaire de Rutovu et l'hôpital communal d'Ovianda, sont dotés de nouvelles ambulances depuis plus d'une semaine. La population des zones de responsabilité de ces structures de soins, qui étaient quelquefois obligées de chercher eux-mêmes les véhicules en cas de transfert de leurs malades, salue ce don d'ambulance octroyé par le ministère de la Santé et de lutte contre le sida. L'ancienne ambulance du district sanitaire de Rutovu ne fonctionnait presque plus et tombait souvent en panne suite à sa vétusté, c'est le directeur de cette structure de soins au moment où l'hôpital communal d'Ovianda vient d'être doté de ce véhicule pour la première fois. Le directeur du bureau provisoire de la santé à Bururi demande aux conducteurs de ces ambulances et aux responsables de ces structures de soins de les entretenir. Docteur Vénérant Nyambikié appelle la population bénéficiaire des soins médicaux aux structures de soins qui ont reçu ces véhicules à contribuer une somme de 200 francs burundais par ménage et par an pour appuyer le système de référence et contre-référence conformément au manuel relatif. Au moment où l'ambulance du district sanitaire de Matana est en panne suite à un accident de roulage survenu le 30 mars de cette année, ce qui handicape le système de référence et contre-référence, Vénérant Nyambikié dit que ce véhicule est en cours de réparation à Bujumbura. Depuis Bururi, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Restez à l'écoute de la radio Isanganiro. Dans quelques instants, vous serez avec Jean de Dieu Irakoze et Sheila Irambona pour la revue de presse. De la presse. Bonjour ou bonsoir. The game is over, titre l'éditorialiste du journal Iwachu, faisant allusion à la proclamation des résultats du double scrutin du 5 juin 2025. Le verdict des urnes est tombé. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le 11 juin les résultats provisoires des élections communales et législatives. Le parti de l'Aigle a obtenu un score digne des scrutins. Brijnevien. À moins d'un coup de théâtre de dernière minute, tous les signaux laissaient déjà présager durant la campagne électorale une victoire du parti majoritaire. Mais pas un tel raz-de-marée, s'exclame notre confrère. Sur un total de 1052 sièges au communal, il en a décroché 1031. À l'exception de trois représentants, trois cooptés, l'hémicycle de Kigwe sera exclusivement composé des députés Abagumyabanga lors de la prochaine législature. 108 députés sur 111, souligne-t-il. Le Sénat connaîtra le même scénario, les sénateurs étant élus par les conseils communaux et aussi largement dominés par le parti majoritaire. Bref, nous aurons un parlement monocolore. Il précise que c'est du jamais vu ou entendu dans un Burundi démocratique. Quel que soit le sentiment qui anime chaque Burundais face à cette éclatante victoire, comme la qualifie le parti au pouvoir, il ne nous reste qu'à retourner à nos occupations quotidiennes. Comme diraient les anglophones, « The game is over », conclut-il. La CVR reprend les dossiers fonciers de la CNTB et de la CTB, rapporte l'agence burundaise de presse. En effet, le ministère de la Justice a officiellement transféré mardi le 10 juin à la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi les dossiers fonciers et de biens non traités par la Commission nationale des terres et autres biens et la Cour spéciale des terres et autres biens, a constaté la BP sur place. Ce transfert intervient après la fin des mandats de la CNTB et de la CSTB, confiant désormais à la CVR la responsabilité de finaliser ses affaires en suspens. Et lors de la cérémonie de remise, le ministre de la Justice, Dumine Banyangimbona, a présenté le bilan des dossiers traités par les entités précédentes. Au niveau provincial, 48 087 dossiers sur 65 972 ont été finalisés, tandis qu'au niveau national, 3 185 dossiers sur 7 008 ont été clôturés. Au total, 21 708 dossiers fonciers restent non clôturés, dont 17 885 provinciaux et 3 823 nationaux, et passent désormais sous la responsabilité de la CVR. Pour finaliser leur traitement, le vice-président de la CVR a insisté sur le fait que tous les dossiers fonciers détenus par les juridictions devront être transférés à la CVR avant le 16 juillet 2025. Revue de la presse. Manque d'appui financier pour les coopératives œuvrant dans l'extraction d'huile de palme, rapporte Net Press. Festus Chidza, président du Forum des producteurs agricoles du Burundi, FOPABO, indique dans les colonnes de ce journal en ligne que les coopératives agricoles œuvrant dans l'extraction de l'huile de palme sont confrontées au manque de crédit de la part des banques et des institutions de microfinance qui ne financent pas les projets de transformation agricole. Il précise que la transformation des régimes de palme en huile bien raffinée exige beaucoup de moyens car ça exige des unités de transformation modernes avec des équipements à commander à l'extérieur du Burundi. En effet, les banques et les institutions de microfinance refusent à financer ce genre de projet. Festus Chiza, président de ce forum, demande au gouvernement du Burundi d'appuyer ses coopératives afin de booster l'économie burundaise. Ces cultivateurs aspirent à fabriquer une huile de palme bien raffinée qui pourra être exportée dans la sous-région. Ce journal rappelle que jusqu'aujourd'hui, c'est la société Savonor et des opérateurs économiques burundais qui dispose des unités modernes de transformation de l'huile de palme en communes d'Ormongué et Nyanzalak, deux entités communales situées dans la partie méridionale du Burundi. Et Chumba profite des bonnes pratiques agricoles réalisées par Tubura, rapporte le journal socio-économique Burundi Echo. En effet, précise notre confrère, sur la colline de Chumba, zone et commune Rutegama de la province de Muramvya, les sourires se lisent sur le visage des bénéficiaires de Tubura. Et pour cause, leur récolte de haricots pour la saison culturelle B a été plus que satisfaisante. Malgré pas mal de défis rencontrés pendant la saison culturelle écoulée, nous avons été impressionnés par les récoltes obtenues par les bénéficiaires de Tubura sur cette colline. Et cela, grâce aux bonnes pratiques agricoles vulgarisées par Tubura, se réjouit David Wizimana, chargé des relations locales au sein de Tubura. Emeline Chimirimana, une mère de 4 enfants qui figure parmi les bénéficiaires, a rejoint Tubura en 2019, comme elle le témoigne dans les colonnes de cette hebdomadaire, avant de rejoindre Tubura pour 2 kilos de haricots semés et n'en récolter que 5, mais aujourd'hui elle en récolte plus de 50 kilos. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Sheila Irambona en collaboration avec Jean de Dieu Irakoze. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.